Prononciation, intonation, exercice 35. Suggérez. Écoutez. Parle plus doucement. Si tu étais à l'étranger, tu aimerais qu'on te parle plus doucement. Répétez. Si tu les connaissais mieux, tu ne parlerais pas d'eux comme ça. Si tu les voyais plus souvent, on aurait des relations plus amicales. Si tu écoutais un peu ce qu'on te dit, tu ne ferais pas toujours les mêmes erreurs. Si tu voyageais un peu plus, tu aurais une autre vision du monde.